Nous disons que Dieu est fidèle à sa parole. Demandez tout ce que vous voudrez, Dieu vous l'accordera. Mais le problème vient, vous ne pouvez prier. Il doit y avoir des suites. Nous prêchons et croyons en Dieu vivant. Celui qui a fait l'oreille ne confie pas la prière. Quand nous devons prêcher que tout ce que vous demanderez par la foi vous sera donné. Ça doit s'arrêter avec une théorie. Quelle bien ça vous fera. Mais il faut que nous prions les réponses. Que vous avez un problème, vous avez des besoins. Nous venons et Dieu répond. Ça vous édifie. Ça vous donne la force de marcher avec Dieu. Ataya yo libondele yo moko zamba yanolite ya mosali na zambe akoyanola. Combien parmi vous savent que ce que je viens de dire est vrai? Mingi baigi ona utukulu bakata na zala solo. Tous ces doigts sont témoins. Tala ma bisapino soma boku zali. Il vous est arrivé de réaliser que vous avez prié seul et il y a pas eu de moko ezala kina yanote. Mais vous êtes dit atanga na musumuke nga zamba ko tenir kana nga ite. Mais il y a un ministère parmi nous. J'irai là-bas. Je vais dire ce qu'il y a. Je vais voir si Dieu va rester sur moi. Si tu es allé. Amen. Tu peux aussi vivre la même chose. Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Venez avec foi et vous verrez Dieu agir. Mais Branham a dit, voilà, si vous n'avez pas la foi, donc, ça ne sert à rien de venir dans la ligne de prière. Si mais ce que vous avez foi, il va nous faire. Yaka. A ta problème, ça passe dans les lignes. Yaka avec amour et avec patience. Yaka na bolingo na motema mulayi. Ne viens pas dans les préjugés. Oui, atina ko vanta kana avec l'assurance que la réponse yaka na singa felika ke yano egali ko ya. Tu verras les montagnes se déplacer. Okomona bangomba. Tu verras les épreuves renversées. Okomona mimeka no kobaluka. Notre Dieu confirme sa parole. Amen. Na biso andimi saka yo bana ye. Le ministère qui opère ici a entendu Dieu dire, va d'abord. Tu doutes tout, tu veux continuer à l'étonner. Va d'abord. Si moi qui t'envoie, je ne confirme pas, tu pourras renoncer. Tu verras que ce n'est pas moi. Mais je sais que Dieu confirme ça. Que ceci aide ta foi. Rien n'est impossible par lui. Je répète. Rien n'est impossible. C'est de votre foi que Dieu a besoin. Tout est possible à ses lois. C'est vrai. L'Éternel écouta la voix de lui. Il peut écouter la voix de Tibang. Il peut écouter la voix. Il avait écouté la voix de Josué. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Aujourd'hui, Élie est ici. Est-ce qu'Élie est ici sur la terre? Josué est ici sur la terre. Samuel est ici sur la terre. L'Éternel écouta la voix de lui. Et l'âme de l'enfant rentra au dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Et il prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison, et le donna à sa mère. Et il lui dit, vois, ton fils est vivant. Le Dieu des démonstrations. Lisez. Le verset 23. Elia akamata kimona pe akitisa kiye longona eteni na likolo epesa kiye na maboko na mama na ye pe Elia alobaki ete tala mwana na yo abiki. Et la femme dit à Elie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Amen. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Masi alobaki na Elia ete sasa ipi na yebi ete yo Ojali moto na nzambe. Peke liloba na nzambe na liloba na yawe na monoko na yo ojali solo. Mais il y a de ces gens-là sur cette terre, dans la bouche desquels la parole devient mensonge. Il va te réciter ceci, te réciter cela. Mais rien n'arrive, rien ne se produit. Un bon bavard, un bavard religieux, il va raconter ceci, réciter telle récitation, réciter tel verset là-bas, mais rien ne se produit. On dirait que la parole devient fausse. Voilà le collège, le premier à le coutard. Je vous dis que la parole de Dieu n'est pas fausse. La parole de Dieu, elle est la vérité. Ce n'est pas une théorie illusoire. Il y a une puissance qui se passe. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous trouvons encore une chose. 1 Corinthiens chapitre 2. Voyons ce qui est dit. Verset 3 à 5. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Mais la parole repose là. Quand il y aura le besoin, vous verrez la gloire de Dieu. Quand vous serez acculé, vous verrez sa délivrance. Ne te fais pas justice toi-même. Non, ma soeur. Non, église. Il y a un Dieu là-haut qui fera justice à ses élus. Ne conclue pas de toi-même. Laisse Dieu conclure dans ta vie. Invoque l'état de ce qu'il est prêt. Réunis ton courage. Appelle Dieu sur la terre. Seigneur, je suis ta création. Je ne me suis pas fait moi-même. Je ne suis pas sur terre au hasard. Mais c'est toi qui m'as placé. Et c'est pour ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu répondra. Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est comme ma labino éhuta na mayele na batote, kasi na nguya na nzambi. Voyez que la foi que Christ suscite, la foi qu'il a transmise au sein une fois pour toutes, ne doit pas être théorique, illusoire, imaginez, mais c'est une foi éprouvée, c'est une foi de preuve, une foi de résultat. Qui dit amen? Quel genre de foi toi tu es? Il est appuyé sur quoi? Ta foi doit s'appuyer sur la puissance. Quand le ministère de Frère Branham opérait, étiez-vous là? L'avez-vous connu dans le chair? Ok. Aujourd'hui nous avons ce ministère sur bande. La prédication est donnée et des expériences sont produites. C'est le même Saint-Esprit qui veille sur sa vie. Il continue à confirmer son message. Si maintenant nous autres prédicateurs, nous prêchons le même enseignement, la même parole, alors dans les sermons, l'âge de l'Église, alors on m'a dit que le même enseignement sur base de la parole de Dieu produira les mêmes résultats. Le même enseignement sur base de la parole de Dieu produira les mêmes résultats. Soyons fervents croyants de ça. Paul appréciait, il a fait son temps. Pierre appréciait, il a fait son temps. Polycarpe est venu avec, après Paul, il appréciait, il a fait son temps. Quand Irénée est venu, il croyait la même chose, alors que ses premiers apôtres n'étaient plus. Dieu a confirmé le même évangile. Et jusqu'à maintenant, le problème est parti. Mais nous autres prédicateurs, en prêchant le même message, nous avons droit au même résultat. Et vous autres croyants, en croyant la même vérité, vous avez droit au même miracle. Ne craignez rien, ne paniquez jamais. Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez dans la voie tracée par Dieu. Et là où est le destin de Dieu pour votre temps. Ayez toute la foi qui vous est permis d'avoir. Croyez à la puissance de Dieu. Il accompagne son message. Vous allez dire. Je vous ai témoigné que la même colonne de feu est venue. Je ne crois sur parole. Dieu peut-il vous le confirmer? Pouvez-vous avoir part à la même gloire? Alors, ayez cette foi fermement. Et sachez que le même Dieu agit par la même personne. Ici parmi nous, il est capable de te remplir des saints esprits, dont moi, votre frère, j'ai été rempli. Il est capable de sceller votre âme en confirmation de la foi de son message. Il est capable de produire le même miracle que vous lisez dans les brochures. C'est le même enseignement sur base de la parole. Produira les mêmes résultats. Dieu est fidèle. Maintenant écoutez. Propre nom a rendu témoignage. L'âge de 7 ans. Dans les feuilles de l'âge. Et de quoi lui a parlé? C'était le Saint-Esprit. C'était Dieu qui a bougé les feuilles de l'âge. Le courbillon fort. Vous rappelez? Mais maintenant, si en accord avec ce qu'il lui avait dit, il dit, ne fume jamais. Ne bois jamais. Ni ne suis ton corps dans une façon. Car il y aura une œuvre à accomplir par toi. Quand tu seras plus âgé. Tout homme peut témoigner de tout. Tout homme peut dire n'importe quoi. Mais si après ça, aucune œuvre n'a été réelle. Nous allons dire que c'était Dieu. Si nous ne pouvons rien identifier en accord avec cette œuvre glorieuse. Et Abraham a grandi, il a vieilli, il est dans le mort. Il ne connaît rien vu. Comment est-ce que nous dire que c'est Dieu? Quand Dieu parle, il doit vérifier cela. Il doit le confirmer. Il doit le démontrer. Maintenant, là, c'est Dieu qui lui a parlé. Oh, nous avons étudié ici ce que Dieu dit à l'homme. C'est un élément de l'examen. Mais ce que l'homme dit aussi de lui-même, c'est un élément de l'examen. Et ce que la parole dit à ce sujet, c'est un élément de l'examen. Avez-vous étudié ici? En accord avec l'appel de William Branham. Il a eu l'expérience à l'âge de 7 ans. Et le Saint-Esprit, pendant que Branham avait 7 ans, a eu à parler également par Charles Price. N'est-ce pas une confirmation sur le fait? Annonça une œuvre par un chercheur qui accédera à la révélation de Dieu. N'est-ce pas vrai? Déjà, en ce même temps-là, il y a la voix qui a parlé à Branham. Je mets WMB, WMB. La voix qui a parlé, il y a la prophétie de Charles Price. En accord avec cela, 1916, Et la voix lui a parlé au Jésus de Branham. Lui, il avait 7 ans. L'âge de 7 ans. Et ici, prophétie donnée, indépendamment de la famille de Branham. Et de l'église de la maman de Branham. La prophétie est donnée par un autre témoin. Êtes-vous là? Maintenant, en accord avec ça, les écritures. Qui peut me donner? C'est comme ça que je cadre avec l'œuvre annoncée. Luc 17:30. Luc 17:30. Luc 17:30. Autre écriture. Comment ça? Nous sommes encore dans la leçon. On n'écoute pas pour oublier. On écoute pour retenir, pour être appelé et qualifié. Autre écriture en accord avec cet appel. Oui. Mais parlez clairement, non? Et librement. Tout homme peut dire, même si c'est faux, on va dire que c'est faux. Vous ne voyez pas compliqué, c'est votre maison. Personne ne vous intéresse. Oui. Malachie 4, combien? Tout le chapitre? Ah. Malachie 4. Malachie a mon capamine, mon longo ya mitano na motoba. Verset 5 et 6. Longo ya mitano. Autre écriture? Le commonsoso. En accord avec toujours cette offre? Na boyoka ni mobe na musala oyo. Oui? Apocalypse? 10. Quel verset? Non. Verset 7. Et mon Iseli, mon Kapazomi, mon Longo Yasambo. Le mystère de Dieu sera accompli. Mabombami na Zambi, Maboko Kitama. Le mystère de Dieu. Mabombami. Autre passage biblique. Oui, frère. Esaïe. Esaïe 28, verset 21. Isaïa, Tukumi Bale na Mwambe, mon Longo ya Tukumi Bale na Moko. Y a-t-il encore une écriture? Je n'ai comme mon sous. Zacharie 14. En accord avec l'appel de William Branham. L'œuvre annoncée. Non. Là, ça viendra dans un autre cadre. Mais en accord avec l'appel. L'œuvre annoncée. Voilà ces passages qui sont là devant. Que tout le monde retient. Bon, c'est pour Simba. Avez-vous retenu mes soeurs? J'ai écrit, j'ai réécrit sur la promis le sous. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Mais il y a un passage que vous avez oublié. Faites-le venir, monsieur Caleb. Marc 9:12. On ne l'a pas exploité comme cela. Oui. Verset combien? Très bien. Ephésiens 4, verset 12. L'œuvre du ministère. Molongo ya zomi na mibale. L'œuvre du ministère de Jésus. Monsala na lotomo ya Jésus Christ. Vous retenez les promesses? El kusimba bilaka. Saisissez la vision avec son fondement scripturaire. Kusimba emono na moboko na ngwa makomi. Dieu a parlé à l'homme. Le Saint-Esprit a confirmé ailleurs. Les Écritures ont fait des promesses. Maintenant, voyons ce que dit Frère Branham lui-même. Total, à ce sujet. En accord avec cet appel. Êtes-vous là? Allons-y. Nous allons dans les sermons. Dieu confirma sa parole. Dieu confirme sa parole. Zambe kondimi sakali lobanaye. Prêché le 16 août 1960. Ça, c'est le témoignage qu'il donne à ce sujet. À partir du paragraphe 219, là, j'ai pris la version de Suisse. Le bien-aimé frère exaucé m'a fait remarquer que cette version, ils en ont quand même. La technique avait répondu pendant la prédication, il n'avait pas, c'était juste une petite mégarde. Une mégarde, mais en réalité, il y en avait. Mais le paragraphage était différent. Hein? Alors, ici aussi, j'espère qu'ils ont la version de le frère Alexis Barilla. Confirmant sa parole. Paragraphe 219 à 233. Ce que dit William Branham lui-même. Alors, comme le temps est un peu avancé, j'aimerais sauter certains paragraphes avec votre accord, parce que là, ça reprend l'œuvre depuis les jours de la Pentecôte. Mais j'aimerais arriver juste ici à la fin. Ok, je prends le paragraphe 220. Il dit, et puis je descends. Lisons encore Marc 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À qui? À toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il l'a aussi dit dans Marc 4 et dans Jean 14 verset 12. Celui qui croit à moi, non pas celui qui fait semblant de croire, mais celui qui croit à moi, il a aussi les œuvres que je fais. Il fallait l'esprit qui était en lui pour faire cela. Et pourquoi? L'esprit est venu pour manifester la parole promise pour l'instant. L'esprit est venu pour faire quoi? Pour manifester la parole promise pour l'instant futur. Il a pris les dispositions nécessaires pour ça. Et il savait que ces choses arrivaient. Par rapport au temps où la Bible a été écrite. Sommes-nous ici dans les temps futurs? Si vous prenez le temps pendant lequel la Bible est en train d'être écrite. Et la Bible a cessé d'être écrite en l'an 97 après Jésus. Pas 1997, mais l'an 97. Après avant même de totaliser 100 ans, on avait écrit le dernier livre de la Bible. Par rapport à cette époque-là, nous qui vivons en 2022, sommes-nous dans le temps futur par rapport au temps de l'écriture de la Bible? Parce qu'en ce temps-là, 2022 n'était pas encore arrivé. 2020, 2019, 2000 même, 1900, ça faisait partie des temps futurs. Quand vous prenez l'an 95 après Jésus-Christ. Mais pour nous, même que ce sont les temps futurs par rapport à la Bible écrite, pour nous c'est le temps présent. D'ailleurs, l'an 2000 est devenu du temps passé pour nous. Mais quand vous vous situez à l'époque où on écrivait la Bible, et l'an 2000, et l'an 1960, et l'an 1916, c'était des temps futurs. Parce que ces temps-là n'étaient pas encore arrivés. Ces années-là n'étaient pas encore accomplies. Ok. C'est comme l'an 2030. Est-il au passé ou au présent? L'an 2030. C'est au passé ou au présent? Ni passé. Mais c'est encore à venir. L'an 2023. C'est déjà passé ou c'est au présent? 2023. Ni au passé, ni au présent, mais c'est futur, non? Ok. C'est comme ça qu'était l'an 95 par rapport à l'an 2000. À l'époque où on écrivait la Bible, l'Apocalypse. Très bien. Allons-y. L'Esprit est venu pour manifester la parole promise pour les temps futurs. Qui dit amen? Il était venu pour nous montrer les choses à venir. Dit la Bible. Il a pris les dispositions nécessaires. Pour et il savait que ces choses arriveraient. Alors, paragraphe de ce matin. Après 1900 ans, à la fin des âges de l'Église, après toutes les choses prophétisées par Luther, nous avons examiné ces choses et les avons vu représentées. La lune elle-même dans une éclipse nous a donné une représentation. Et le Seigneur nous l'a montré par un dessin sur ce tableau noir. Il est venu lui-même pour nous les confirmer comme étant la vérité. Les prophéties là qui ont été annoncées, les écritures prophétiques, le Seigneur est venu dans l'église et Branham en est témoin oculaire pour confirmer la parole promise pour les temps futurs. Et quand les temps futurs ont commencé à se réaliser, Dieu est venu lui-même parmi son peuple pour confirmer cela comme étant la vérité. Lui-même, après 1900 ans, et nous sommes à la fin de l'âge de la il a promis dans Luc 17 verset 30. Vous ouvrez les oreilles. Que son même fils de l'homme, il l'a promis, serait révélé comme cela se passa du temps de Sodome. Quand vous prenez Luc Luc 17, 30. Nous avons encore lu ici au début de la prédication. Et que vous avez cité ici librement. Okay. Suivez ce que dit le prophète. Il a promis dans Luc 17 ans que son fils de l'homme, il l'a promis, serait révélé comme cela se passa du temps de Sodome. C'est-à-dire sur cette terre. Vous vous rappelez du sermon de dimanche passé? Sur cette terre, là où Jésus-Christ avait vécu autrefois, sur la même terre, et là que ça doit se produire, pas dans les airs, mais sur cette terre. Oh miséricorde. Maintenant la question, ne l'a-t-il pas fait? Le même fils de l'homme devait être révélé comme cela se passait du temps de Sodome, c'est-à-dire sur cette terre. La question vous est posée. Ne l'a-t-il pas fait? Question suivante. Cela doit-il encore se faire? Non. Est-ce que nous attendons ça au futur? Non. Est-ce que c'est de l'histoire? Dieu a-t-il confirmé la promesse? À la fois Abraham et à la Bible, la promesse que la Bible avait donnée, Dieu a-t-il confirmé la promesse qu'il a donnée à Abraham d'accomplir une œuvre qui sera plus facile? Dieu a-t-il réalisé cela? Cette parole-là qui était dite à Branham, bénéficiaire de Dieu, cette parole écrite dans le ministère de la parole, est celle du Seigneur lui-même, l'a-t-il vivifié, va-t-il encore le faire? C'est de l'histoire. Ils allaient à Masolo, c'est le cas. Vous êtes témoins. Vous allez m'attendre. Retenez, soyez édifiés. C'est le même enseignement qui doit produire les mêmes résultats. Il est impossible, point de suspension. Rappelez-vous qu'il est venu sous trois noms. Le fils de l'homme, un prophète, le fils de Dieu, l'esprit, le fils de David, pour le millénium. Mais entre-temps, Avant que cela n'arrive, selon ses propres paroles, le jour où le Fils sera révélé, il se révélera. Mais comment cela? Non pas en tant que Fils de Dieu, mais en tant que Fils de l'homme. Il se révélera d'une manière différente. Écoutez. Quand Luc 17:30 doit s'accomplir, le Fils de l'homme se révélant non pas en tant qu'esprit, mais en tant que prophète. Un homme dont les deux pieds sont sur terre. Et par le canal duquel le même ministère du Fils de l'homme qui avait vécu à l'Orient va se reproduire à nos pieds. Sur cette terre. Suivez bien. Il se révélera d'une manière différente. C'est ainsi que la parole de Malachie 4 est Malachie 4:5-6 par l'accomplissement de Luc 17:30. Il te faut d'abord identifier l'accomplissement, la manifestation de Luc 17:30. Tu dois identifier cette écriture. Comment Dieu l'a-t-il confirmé? Comment Dieu a-t-il accompli cette promesse? Quand vous voyez ça, vous qui voyez ça, c'est alors que pourra s'accomplir Malachie 4. Votre cœur à vous, qui avez vu correctement Luc 17:30, sera alors ramené à la foi apostolique. Tant que vous ne voyez pas ça, c'est que le retour à la foi apostolique est encore utopique pour vous. Voilà pourquoi plusieurs sont froids dans les affaires. Ils n'ont ni réveil, ni puissance. Ce sont des gens froids, lourds et impressionnants. Parce que Luc 17:30 est le même mystère. Ils en ont même peur. Quand on commence à parler de ça, ils paniquent. Vous voulez commencer à faire une fausse doctrine? Fausse doctrine? Beaucoup y'a ma vie. Luc 17:30 est fausse doctrine? Mais la chose même qui déclenche le retour de votre cœur. Mais vous ne voulez pas aborder ça. Vous ne voulez pas entrer dedans. Vous ne voulez pas qu'on vous en parle. Vous ne voulez pas qu'on vous en parle. C'est à lui. Enlèvement après au courant de l'ingouane. Suivez. Bolanda. Puisse le Seigneur ouvrir votre entendement. Asungayo, Asalongo, le frère et sœur, Oyego, les Satangawati. S'il te plaît, je veux te voir dans l'enlèvement. Tu n'es pas venu de son message pour rien. Amen. Mettons tous les sérieux dans ce fond. Continue à parler. David a parlé. Oh, mais à ce type de la Bible, là, ça a suspect. Il y en a aussi suspect. Là, ça a suspecté. Jésus croyait le message. Alors, je crois la Bible ici. Et Dieu a promis de la vie divine. Je ne peux pas refuser de reconnaître ce que tu as fait. Pour le salut de mon âme. Pour me délier. Pour me délier. Me donner la foi de l'allégorie. Amen. Me faire faire que la présenteur. Me faire changer ce corps et ce mais c'est ça le destin que Dieu a commandé. C'est son plan merveilleux. Amen. Je ne permettrai à personne de m'abandonner. Toi aussi ne permets à personne de t'aveugler. Comme ça s'est passé au temps de Sodome. Au temps de Sodome, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu trois messagers. L'un d'eux, c'était Elohim dans la chair humaine. Révélant les secrets de Dieu. Rendant possible les choses impossibles. Donnant des enfants à une femme ménopausée. Rendant jolie une vieille dame ridée. Aucun roi l'a convoité. Rajeunissant une vieille dame. Prenant la défense de son prophète. C'est ce qui nous causerait pas. Le même Dieu dans la chair humaine. Il veut se reproduire autant de la vie. Et c'est cela qui déclenchera l'accomplissement de Malachie. Il ramènera le cœur des femmes. C'est ce prophète-là, revêtu de l'onction royale, l'onction suprême de Dieu, Elohim est dans la chair humaine, qui manifestera le ministère, et cela va amener le cœur des enfants à retourner à la foi qu'avait Pierre, la foi qu'avait Paul, la foi qu'avait Étienne, la foi qu'avait Jean, la foi qu'avait Jean. La même foi qui avait été transmise au Saint, une fois pour toutes, la même Jésus, Jésus qui est la porte de cette foi. Vous verrez un sacrificateur dans notre foi. Vous tiendrez dans la chair humaine. Vous proclamerez son message. Vous reproduirez son ministère. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous ici sur la terre. Ah, voilà, et cela restaurera la foi. Amen. Que Dieu te bénisse. Je sais qu'il y a des aigles dans la salle. Ils vont commencer à s'identifier. À apparaître clairement. À montrer leur joie. C'est fini. C'est fini. Toyo canabien. Il se révélera d'une manière différente. Non pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de l'homme. Et c'est ainsi que la parole de Malachie 4 sera confirmée. Le fils de l'homme se révélera. Non pas dans une grande détermination. Ou quelque chose de semblable. Comme nous l'avons vu dans les Affaires. Mais il se manifestera de nouveau. Comme fils de l'homme. Afin de confirmer Malachie. En ce jour, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques. Les éloigna de cet esprit de dénomination. Et les ramènera à la parole originelle. Pour établir cet arbre de l'épouse du dernier jour. En êtes-vous membre? Vous allez en bas. L'arbre repousse des derniers jours. Il l'établit à nouveau lui-même. C'est lui seul qui suscite la foi. C'est lui-même qui doit vous nourrir. Bec à bec. Face à face. Face à présent. En lingala, on a dit para para. Yona Yesu para para. Hein? Fara fara na Yesu Kristo. Amen. Et pendant qu'on goye ma moralité, mula oyo biso sema. Longo nous avons wana. Vous avez des histoires qui n'ont pas de tête ni de queue. Matamo mazakitina. Les aigles ont un repas ici. Bantongo mazala moleya. On n'a pas dit mula oyo biso mama na Yesu kwenye kubuka mabina. On a dit là où sera le corps. Pas une wapi njote kozala. Là que sera samre ole. Là où sera samre ole. Là où sera Je suis là. Oh, y'a mon kilo, il est là, c'est fait le lobby carabina et bungi. Oh, ma soute est assez bien que ma dit allo. N'a qu'il faut un chauffeur à ma douce 5000 francs avant que c'est la moutouka. Tous les taximens se sont affolés. Ben, nous, à comme le collabat, ma bombe, moi, puis fait à vous. Mais y'a vu sa parole, mon côté, vous pouvez rejoindre la vie. Amen. L'engue ton baniawa. Et ça, il est là. Amen. Si vous n'avez pas enlevé, il y a vu son avis au gaga. Bana tata ba sepela nani azame konta yako buka esemu na biso azate yako simbate. Il nous a éloigné de l'esprit de dénomination. Et nous ramène à la parole originale. Pour établir cet arbre de l'épouse. Comme il l'a promis. Mais vers le soir. La lumière paraîtra. Là nous le verrons dans la commission de William Branham. Cette écriture là c'est dans la commission de William Branham. Pas dans l'appel. Êtes-vous là? Frère Guigui, voilà, ça va revenir mais dans la commission. Chaque chose à sa place. La parole prophétique doit être placée. Oh, il y a des choses qui se ressemblent mais qui ne sont pas la même chose. La lumière ne viendra pas au milieu d'un jour brillant. Mais ce sera un jour que l'on pourra appeler ni jour ni nuit. Vous voyez, le corps est en train de se former. Vivez maintenant une déclaration qui va choquer les cœurs encore. Qui fut autrefois là-bas à Noré est ici maintenant. Amen, amen. Amen, amen. La tête. Moto. Dans la traduction de Shekinah. La Shekinah. On n'aura pas le temps de lire. La même tête. Pas seulement la tête de tout court. Mais la même tête. Et si maintenant. Amen. La même tête. Comme comme corps. Est-ce que ça compte? Amen. Bah, c'est pas bougie na bango. Est-ce que ils ont le sabre bata ma boma? Ils ont les épices pourquoi bah on s'est pela. Yo paye, on go s'est pela. Ça nous a visité mon témoin, on go s'est pela paye. Quand Dieu va te visiter, ne désespère pas, hein? Courage, hein? Courage. La même tête. C'est Jésus-Christ, non? Il allait sur c'est le Messie, non? Il allait Messie. Le même hier aujourd'hui. Il est mort. Mais qui est vivant au ciel et au ciel? La même tête. Qui était là-bas? Elle est ici même. En Occident. Soyez des filles. Alors il a dit, mais vers le soir. La lumière paraît. Oh, cela me donne envie de chanter. Vers le soir, la lumière paraîtra. Vous verrez certainement le chemin de la gloire. Passer par l'eau et la lumière d'aujourd'hui. Enseveli dans son précieux nom. Frères et sœurs, repentez-vous de tous vos péchés. Alors certainement le Saint-Esprit sera en vous. La lumière du soir est venu. Le fait est connu et confirmé. Dieu et Christ sont un. Amen. Amen. Amen. Fait une affaire à moi. Coco Samate. Oyo bile yabanadako. J'ai été ordonné à paître les brebis du Seigneur. Il a fait sa matin zela na lei, ça va passer na colo. Ça repose pas sur ce chemin. Côté matin zela wana. Satan. Loin de moi, arrière de moi. Ne te repose pas. Le Fils de l'homme se révèle dans la même puissance. Non pas par les actes de l'Église. Par la justification, la sanctification. Mais par le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Réponse. La parole. Amen. Dans la même puissance. Qui est le Fils de l'homme? Frère Azate. Qui est le Fils de l'homme? Yangonde. Et le Gonde Yangouanande. La parole. Et la parole est plus tranchante qui ne peut être tranchante. Elle sonde les pensées du cœur. Qu'est-ce que devait-il faire? Il devait confirmer sa parole. Qu'est-ce que fera-t-il? Prenons garde. Lorsque nous voyons ces choses arriver. Lorsque nous le voyons se manifester. Dans la même forme que celle dans laquelle il s'est manifesté. C'est-à-dire. La colonne de feu. Prouvant qu'il est hébreu très puissant. Jésus-Christ même hier. Aujourd'hui éternellement. Qu'est-ce que c'était? Jésus-Christ qui était le même hier. C'est Christ qui était avec Moïse. Dans le désert. Sous forme de. C'est Jésus-Christ le même hier. Avec Moïse sous forme de colonne. Combien de ceux connaissent la Bible? C'est là. C'est Christ lorsque Paul parlait. Alors lorsque Paul parlait, c'est aujourd'hui. Ne croyez-vous dans le Nouveau Testament? Aujourd'hui, le même aujourd'hui. Le même qui était avec Paul. Paul qui a écrit ça. Sous forme de. Il était le même avec Moïse. Sous forme de. Et il était le même aujourd'hui. Avec Paul. Sous forme de. Et encore, et maintenant il dit. Ensuite. Le Fils de l'homme qui est le même Christ. Au dernier jour. Maintenant. Dans notre temps nous mêmes. Au dernier jour. Sera sous forme de quoi? Sous forme de, nous devons faire attention. Comprenez-vous cela? Très bien. Alors il dit, Remarquez aussi Jean 14, 12. Vous ferez les mêmes œuvres que je fais. Que fait-il dans tous ces autres passages? Il confirme que nous sommes dans l'âge où le Fils de l'homme doit être réveillé. Et non plus de littéraire. Au prix de Wesley. La Pentecôte. Du baptisme. Du presbytérien. Nous avons étudié cette page. Par l'histoire de la Bible. Il doit être révélé. Afin que ces choses soient faites de manière à accomplir la parole. En tout ce qui doit être accompli. Nous les voyons et c'est la vérité. Nous croyons, non? Pensez aussi qu'en faisant de la même manière que commençant, il n'a pas seulement confirmé ces choses au milieu de nous, mais cela a aussi été confirmé par la science. Les savants ont dû admettre que c'était vrai. Georges Lassie, le chef du département des empreintes digitales, FBI, a dit la lumière a frappé l'objectif. Moi-même, j'avais appelé cela de la psychologie. Et Monsieur Branham, cette caméra n'enregistre pas de la psychologie. C'est un fait. Alléluia. Qu'est-ce que c'est un témoignage. Suivez bien. Attestant que... Attestant ce que cette colonne de feu avait dit. Lorsqu'elle se tenait dans cet arbre, semblable à un tourbillon, ne fume ni ne bois jamais. Quand tu devras accomplir une œuvre pour moi, lorsque tu seras plus âgé, c'est la colonne de feu qu'il lui a dit. Elle s'est tenue dans un arbre, et elle s'est fait photographier sur la tête de William Branham. Écoutez ceci, Frère Branham m'a dit, c'est quoi cette colonne de feu? C'est ce qu'il y avait sous forme d'onction sur le Fils de l'homme. Cette colonne de feu, c'est ce qu'il y avait sous forme d'onction sur le Fils de l'homme. Mais nous voyons au dernier jour, la même colonne de feu s'est tenue et s'est photographiée sur William Branham. Mais c'est elle qui existait sous forme d'onction sur le Fils de l'homme Jésus-Christ. Et aujourd'hui vous avez la photo et vous ne pouvez pas les renier. C'est un fait devant vous. La même colonne de feu sur William Branham. Alors la même tête qui était en Orient. Il est maintenant en Occident. C'est confirmé. Dieu l'a fait. C'est lui qui a mis cette lumière. C'est lui qui est dans cette lumière. Il a confirmé que ce n'est pas la parole de nom. Oh. Les gens avaient dit, ce gamin a perdu la tête. Et ma mère avait voulu appeler un médecin. Et j'étais devenu si nerveux. Mais qu'est-ce que c'était en réalité? Il descendit au bord de l'Ohio. Le fleuve Ohio aux États-Unis d'Amérique. Et il dit, c'est la commission de William Branham. Pas l'appel, mais la commission. Hein? Je vous donne l'avant-goût. Êtes-vous là? Ici, c'est la commission. Même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer un peuple. Toi, tel que... Non. Pour préparer un peuple tel que la parole promise puisse être manifestée. Et ça, toi aussi, tu auras un message destiné au même but. Jean-Baptiste est venu faire quoi? Préparer un peuple un peuple tel que la parole de Dieu soit manifestée. Et le message de William Branham doit produire quoi? Réparer un peuple tel qu'au milieu de lui et par son peuple la parole de Dieu soit manifestée. Amen. Tu vois à quoi Dieu t'a appelé? La parole doit se manifester dans ta vie. C'est le but du message. Le dessein de Dieu pour toi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors je saute encore là. Je prends le paragraphe 229. Le temps est fini. Vous pouvez lire vous-même à la main. Il est Dieu l'a dit. Les gens se sont moqués de ça. Dieu l'a dit. Je le crois. Et il l'a confirmé. Tout ce que Dieu t'a dit aussi. Toi, crois-le. Et Dieu te le confirme. Ne doute pas. Il a accepté les moqueries. Mais il a accepté ce que Dieu a dit. Il a cru ça. Et puis Dieu l'a confirmé. C'est cela. La bonne part. Il l'a confirmé. C'est cela la bonne part. Et il l'a prouvé. Prouver sa parole par la parole. Là, il est la parole. Comprenez-vous cela? Bien sûr, il le prouve dans Hébreux 13. Oui. Que Dieu bénisse ta foi. Tenons-nous debout pour la prière. Tu aimeras ce message? Priant Dieu qu'il manifeste sa parole par ton canal. Tout ce qui doit être accompli. Branham a fait sa part, c'est vrai. L'église épouse à sa part. L'église épouse, toi tu écoutes. Pour atteindre ce qu'il doit accomplir par ton canal. Par votre canal, l'église. Chacun doit jouer sa part. Tenons-nous debout pour la prière. À l'ouest, le soleil se couche. Nous aimons cette mélodie, n'est-ce pas? Amen. Hosanna cantique, Hosanna numéro 231. Non, il n'y a pas 231 ici. Wow. Non, c'est ici, ouais. On va aller plus loin ici. Oui, c'est ça. 231. Donc j'étais dans... J'ai prié pour ouvrir le cantique quoi seulement au lieu de Hosanna. Est-ce que la Kendina... À l'ouest, le soleil se couche. Même tête. Le soleil qui s'élève à l'Orient. Le même soleil qui se couche. Le même soleil. Oh, que Dieu te révèle cela. Thank you. Oh! C'est lui qui suscite la foi. C'est lui qui restaure la foi. C'est lui qui ramène le cœur. C'est lui seul qui est Dieu. Qui peut se perfectionner. Qui achèvera l'œuvre qu'il a commencée. La parole doit se manifester. Le message doit se manifester. Dans ta famille, dans ta maison. Dans ton couple. La parole doit se manifester. Ne laisse plus le péché prendre le dessus. Ferme les portes au péché. À tout démon. À Satan lui-même. Laisse entrer les rois de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Dieu Tout-Puissant. Nous nous tenons devant toi maintenant. Ayant prié. Ayant adoré. Ayant supplié. Ayant invoqué. Croyant tes promesses. Chaque vérité du message. De ta Bible. Pour que tu nous édifies. Tu nous fasses croître. Tu nous défends. Tu nous exauces. Tu avais écouté la voix de Josué. Tu as écouté la voix de Branham. Tu as écouté la voix d'Élie. Écoute aussi notre voix. C'est maintenant notre temps. Tant que tu nous as donné. Écoute notre voix. C'est toi l'unique sauveur. Et souverain sacrificateur de notre confession. Soutiens notre témoignage. Confirme-nous tes paroles. Voilà ton nom que nous savons. Que guéris nos maladies, toutes nos faiblesses, toutes nos faiblesses. Élève notre niveau, quitte la froideur, mets le réveil dans nos foyers, nous soyons chauds pour toi Seigneur, dans le nom de Jésus Christ, exauce-nous, exauce l'église, exauce Israël, exauce tes élus, dans leur propre majesté, la parole, restaure nos âmes, restaure notre foi, restaure la vie spirituelle, la vie des miracles, les grandes choses de la gloire de Dieu. Nous voulons les voir en abondance, force de la vie éternelle, manifeste la joie du salut et rendre gloire à ton nom éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et croyons. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.